Jazz Time, présenté par Gérard. Comme chaque année, nous voyons refleurir les annonces de festivals de jazz avec l'arrivée du printemps et avant la grande déferlante des rendez-vous de l'été. Pourtant, il y a des festivals de jazz tout au long de l'année ou presque, et à l'automne, on le sait bien dans notre région, c'est le tour de Nancy Jazz Pulsation. Si ce sont des affiches, des pages de magazines, des programmes qui attirent notre attention, encore faut-il que ces moyens de communication trouvent le bon angle, l'équilibre entre la conception graphique, le message, l'image et le programme des concerts avec, bien sûr, les noms des musiciens invités. Depuis longtemps, ce sont les instruments emblématiques du jazz qui ont été choisis pour évoquer un festival. Et en premier lieu, le saxophone, instrument du jazz s'il en est, puis le piano, réduit souvent à un clavier, et aussi la trompette, parfois le trombone, souvent la contrebasse, les percussions. Et puis parfois, le J de jazz ou le Z de jazz sont transformés en saxophone pour bien insister sur la collusion. Eh bien, on prend déjà la direction du festival Banlieue Bleue. Avec le retour des festivals, et même si les différentes formes de représentation de l'événement festival est le plus souvent du domaine de l'image que de la radio, et il nous a semblé intéressant de faire un panorama non exhaustif bien sûr des différentes représentations choisies par les programmateurs de ces festivals. On a choisi l'année 2018 et on constate que la conception des affiches, des flyers, des programmes est souvent confiée à une même équipe d'année en année, car les organisateurs veulent produire une sorte d'image de marque du festival. C'est par exemple à Marcia que Jacob Rosinski, graphiste attitré pendant de nombreuses années, qui avait choisi d'allier représentation des instruments du jazz et environnement paysager du Gers. Mais en 2018, on a préféré l'image d'un pianiste tout à fait ébahi et heureux devant le clavier de son piano, d'où émergent des plantations, des fleurs pour illustrer ce festival. Au Festival de Vienne, autre grosse machine pour l'édition 2018 du festival, on avait choisi un court bandeau avec un trompettiste rageur qui surmonte la liste des formations invitées. On a oublié la puissance potique des images et du graphisme des années 90. Thank you. Alors, parfois, les programmateurs choisissent une illustration décalée, voire hors sujet. Témoin l'affiche de Jazz à la Villette en 2018, représentant une sorte d'engin spatial, sorte de fusée faite d'assemblage de pièces hétéroclites, avec le nom des musiciens invités, et sur l'ascenseur accolé à la fusée, cette inscription « Jazz is not dead ». Autre partie qui se veut originale sans référence aux instruments, c'est le choix du Wolfie Jazz en Alsace, qui présentait une tête de loup aux yeux jaunes, tandis que le Crest Jazz Vocal expose un zèbre qui plonge sa tête la première dans une grosse caisse pleine d'eau. Chaque année, il y a aussi le Rhino Jazz Festival, qui décline un profil de rhinocéros avec sa corne bien en vue. Et dans le même choix animalier, le festival Jazz Zèbre a choisi un mini-zèbre qui est un jouet articulé. Et puis, on mentionnera pour le rendez-vous de l'Erdre dans les Pays Nantais l'image d'un poisson. Est-ce une carpe, une perche ou un brochet ? À vous de décider. Dans notre région Est, qu'en est-il des choix des organisateurs de festivals de jazz? Honneur au plus ancien avec NJP, plus de 45 ans d'existence. Pour sa première édition, NJP avait choisi un chœur, un beau symbole pour les pulsations. Mais très vite, d'autres graphistes ont fait travailler leur imagination. Bien sûr, place aux instruments. Le piano en 1986, le saxophone en 83, 85, 88. Le corps féminin, évoqué par une contrebasse en 2009. Le riverboat pour le 40e anniversaire d'NJP aussi. Le bestiaire en 96, 2014, 2015, 2018. Souvenez-vous de son fameux homard. Vous écoutez Jazz Time et vous avez bien raison. Et nous poursuivons pour vous notre panorama des images choisies pour annoncer les festivals de jazz. Alors, on notera qu'NJP, Nancy Jazz Pulsation à Nancy, a souvent fait appel à des peintres, à des dessinateurs, graphistes régionaux. Ainsi, Sophie Gainsbourg en 89, Rémy Malingré en 93, Baru lui sera invité deux fois, et aussi Franck Volo en l'an 2000 et Catherine Di Rosa en 2003. Jörn Gerner en 95, avec toujours la volonté d'une grande diversité, parfois un décalage assuré, voire revendiqué, mais jamais de représentation indifférente. Toujours en région Est, le Marly Jazz Festival évoque les instruments du jazz, tout comme Jazzpot à Thionville avec une note d'humour ou de fantaisie. À Münster, c'est un hommage à Ray Charles. Par contre, à Dudelange, au Luxembourg, dès la première édition, le choix s'est porté sur la photographie de musiciens invités, tête d'affiche comme il se doit pour le festival Like a Jazz Machine. Thank you. En France, il y a aussi des festivals de jazz thématiques. À Surgères, le Brass Festival est symbolisé par un tuba en gros plan. En Auvergne, à Roquebrou, où est lieu le festival de Boogie Woogie, là ce sont des musiciens qui animent un paysage, et pas seulement avec un piano. À Mamers, c'est le son des cuivres, tandis qu'à Toulouse, toutes les musiques du monde sont invitées, du Brésil à l'Afrique, et le tout est symbolisé par un masque très coloré. La plupart des villes, tourisme oblige, avec ses retombées, ont choisi de mettre en avant le nom de la ville qui accueille le festival. Bien sûr, il y a Nancy Jazz Pulsation, il y a aussi Sète, Tourcoing Jazz Festival, Jazz à 7 et Tourcoing Jazz Festival mettent en valeur la ville et puis aussi Jazz à Nevers. Mais parfois l'image, l'illustration n'est pas en rapport avec la ville, ni même avec le jazz. Ainsi, au Gré du Jazz, dans les Vosges, l'affiche est signée de deux graphistes lyonnais et son rapport avec le jazz est très lointain puisqu'on y voit un bois de serre qui structure et porte le nom des musiciens avec à chaque extrémité un petit animal sorti d'un dessin animé. Bye. À Paris, pour le Jazz Festival, on a choisi, c'est une évidence, une tour Eiffel, très stylisée, d'où poussent des rameaux et des branches, une allusion au parc floral où se déroule le festival. Pour Banlieue Bleue, en région parisienne, c'est le dessinateur Blutch qui avait, en 2018, dessiné une percussionniste à la coiffure afro, en pleine action pour l'édition de cette année-là. Enfin, à Nice, un festival créé en 1948, le nom du festival s'inscrit dans le pavillon de la trompette de Louis Armstrong, qui nous fait face, il était invité au Festival de Nice en 1948, le premier festival. C'est une conception d'ailleurs assez proche de ce que la station France Inter avait choisi en 1995 pour annoncer le jazz sur son antenne. Alors, Louis Armstrong, Festival de Nice, c'est pour bientôt. A kiss the bell, a dream on. Yes, give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on, yes. Give me a kiss before you leave me. My imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. A kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Babe, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give. I kiss the bill, the dreamer. Alone with my fancies, yes, I'll be with you, oh, weaving romances, yet that I'm making believe they're true. Lend me your chops for just a moment, and my imagination will make that moment live, yeah. give me what you alone can give. I can't stop in the dream. Avec ce panorama des images données par les festivals de jazz, on constate que le visuel est toujours très important pour évoquer un festival. C'est un peu comme la pochette d'un disque, quand bien même il ne montre pas explicitement le jazz et parfois seulement une liste de têtes d'affiches du programme. Le jazz est une musique que, si elle s'écoute, se voit aussi sur scène. Quelle image pour un festival ? Une question que se posent les programmateurs. Quel message que reçoit le passant comme le passionné qui ne retient que les noms sur l'affiche. Avec le retour des festivals de printemps, bientôt d'été et plus tard d'automne, si de surprises nous attendent quant à l'image que les programmateurs et organisateurs vont donner et nous proposer à nous, amateurs de jazz vivant. Pour compléter ce numéro de Jazz Time dédié aux images que proposent les différents festivals de jazz, je signale à nos auditeurs que sur le site radiodeclic.fr, à la rubrique Jazz Time, vous pourrez retrouver des illustrations d'affiches des festivals de jazz de l'année 2018. Un grand merci à Quentin qui a assuré la réalisation technique de ce numéro de Jazz Time. Je vous retrouve bientôt, dans une semaine, toujours dans Jazz Time. Au revoir.